Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. C'est très tranquille dans le monde du sport. Ce qu'on peut vous dire cependant, c'est que l'Avalanche du Colorado a gagné 3-2 contre les Flames de Calgary en prolongation pour porter un dur coup aux Flames. À noter que pour un deuxième match consécutif, Samuel Girard n'était pas en uniforme. Maintenant, on va parler du côté du volleyball. Il y a l'équipe de la polyvalente Jean Dolbeau qui ont bien fait, qui ont remporté une médaille de bronze lors des championnats régionaux de volleyball qui se déroulaient récemment. Donc, c'est en catégorie juvénile qu'ils ont réussi cet exploit. Hier, à la Coupe Dodge, les espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean l'ont remporté par la marque de 6-0, plutôt 5-0 contre les Citadelles de l'Abitibi. À noter dans le match que Félix Rivrain a marqué 2 buts, 1 but 2 passes pour Jérémy Gay et Ludovic Birbé a marqué 1 but et amassé 1 passe. J'invite à écouter la section entrevue de dandredosport.com. Hier, on a parlé avec Marc Fortier. On fait le bilan de la série entre les Flames de Calgary et également l'Avalanche du Colorado. Et on parle également de l'élimination du Lightning de Tampa Bay par les Blue Jackets de Columbus. Sport local et régional, à dandredosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.